can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. Traduction, on va traduire. C'est l'anarchie radiophonique ce soir. Cette nuit, je me sentais en ce 27 interpellé par une voix soudaine qui venait de mon intérieur vers l'extérieur, qui était une énergie que je ne savais pas refouler et que je ne voulais pas cacher. Alors je me suis dit, offrons-nous un petit coin d'extravagance immédiatement, aujourd'hui, maintenant. Et pour commencer ma citation du jour, C'est sa station du jour. Eh, monsieur. Vous avez peut-être des problèmes avec des S? Oh, moi, j'ai des problèmes avec les H. Oh! Les feuilles, oui! Les feuilles viennent de repartir. Les feuilles viennent de partir sans revenir. C'est ça l'injustice. Les feuilles qui ne s'envolent point pour revenir, c'est ça l'injustice. Aérance, Rénazienne, c'est Kairel, Galerie Lavoie. Aujourd'hui, ça c'est la citation du jour. Oh! Cite-moi ça, mon journalier. Je suis, je suis un quotidien. Pour à la journée, ben c'est ça, journal, journée, quotidien, c'est quoi? C'est 24 heures, oui. Sur 24, Roger, Radio. Radio CKRL, 1-2, Radio CKRL, 1-2. OK. Alors donc, la citation du jour, ça excite-toi pas, mon petit Boudreau. On t'a retrouvé en dessous de la carrosserie. Et lui, pourquoi il se cache en dessous de la carrosserie, mon Tigui? Sais-tu pourquoi, mon Tigui? Tigui, va te le dire, Tigui. T'es-tu pour entendre ça, mon Tigui? Il se cache en dessous de la carrosserie parce que quand on la polie, il se réjouit pour être gentil. Alors, moi, pour être gentil, lui, il se réjouit, mais plus que réjouir, là, le summum de la réjouissance, le nirvana de la réjouissance, c'est là! L'apothéose, oui, monsieur. Aujourd'hui, là, c'est la citation du jour, êtes-vous prêts? Ben oui, mais vas-y, ben attendez-vous là, là. L'émission dure 2 heures, calmez-vous. Bon. Hey, c'est l'été, il fait beau, les enfants sont heureux, les oiseaux gazouillent. Les petits papillons volent au vent. J'espère, as-tu vu le vent? Étais-tu? Ah, moi, j'étais coincé dans le vent la semaine dernière. Oh! Ah, c'était la torpille. Non, c'est cyclone. J'étais pas en cyclomoteur, j'étais en s'il vous plaît, là. J'étais pas prêt parce qu'il m'a comme pris par lorsque j'étais pas attentif, moi là. Je révisitais mon texte de l'émission d'aujourd'hui. Parce que c'est. On me prépare, hein. Je peux pas. C'est pas improvisé. Les gens qui s'imaginent que tout ça, là, on dit n'importe quoi, c'est du mot à mot. C'est du mot à mot, petite marde. Faut de la mémoire, hein, maudite marde de mémoire. Le jour où j'aurai plus de mémoire, qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu, je vais radoter. Ben, ça fait 7 ans qu'on radote. Ouais, on n'a pas fini de radoter. Le monde se souvient plus. Les gens non plus. De visibilité et surtout de petits tiroirs pour aménager le savoir. Donc, on crée l'oubli. Plus on crée l'oubli, plus on doit redire. Parce que ça sort d'une oreille. Là, il y a comme un petit grillage, mais il y a du vin qui sort par le grillage. Il faudrait mettre du bois, là, moi, je dirais... 3 quarts avec des clous, des vis, mais plus des vis, parce que des clous, ça peut péter, hein, ça peut partir. Mais des vis, là, c'est solide, là. Elle dit sur le J-Brox. J-Brox. Jamie, la légende doit être dans le Jamie. On peut pas faire ça. C'est une opération chirurgicale. On fait une opération chirurgicale. C'est pour que... À un moment donné, que tout le monde se souvienne pour pas toujours redire la même chose. Là. On va à l'école. En première année, on apprend. Deuxième année, on se fait reprendre ce qu'on a entendu en première. En troisième, on récapitule la première et la deuxième. En quatrième, 1, 2, 3. Ensuite, une vie, c'est Pepperman. Ainsi soit-il. Pas de face là-dessus. Si tu t'en souviens pas, une claque sur le visage, c'est de là la face. Et là, tu la perds, la face. Plus tu perds la face, plus tu cherches le 2 de pique. Parce que là, les faces, tu te dis, ouais, ben là, si j'ai le 2 de cœur, j'ai tout autre cœur, puis là, le trèfle, on va prendre pour le 2 de pique, puis va. Bah. Tu te prends pour un 2 de pique, quoi. Tu diminues. Si t'as pas d'ouverture, puis tu feras rien dans ta vie, puis... tu vas rester comme tu es. Tu vas somnoler. Tu vas stagner. Stagner Lac Saint-Jean. Vous savez, en stagner Lac Saint-Jean, là, c'est des gens qui veulent bouger, eux. Ils en auront le bol de se faire dire, ah, stagner. Ben oui, mais c'est Lac Saint-Jean également. Ben oui, Lac Saint-Jean également. Ah, c'est la citation. Excusez-moi, je suis en train de revivoter dans ma tête. Ah, oh, je vois souvent, moi, là. Ah, oh, mais c'est... Je peux pas faire ça en secret, sa main levée. Ah! Oh. Comme j'ai 2 mains, elles sont toutes enlevées. Main levée. Alors, si on pourrait mettre du contreplaqué, peut-être, ou boucher le trou, du ciment, bouchons le trou. Hein? On met un cornet à droite, puis on bouche le trou à gauche. Fait que quand on entend des choses, ça reste dans le cerveau. Ça bouge plus. C'est intéressant, ça. J'aimerais ça que les médecins se penchent là-dessus. Et j'ai essayé pendant 3 ans, puis j'ai eu un mal de dos. Aïe, aïe, donc. Puis là, je peux plus me pencher là-dessus. Fait que j'ai laissé ça à des chercheurs de l'Université Laval. Et là, les chercheurs de l'Université Laval veulent avoir des primes. Le gouvernement ne veut pas donner de primes parce qu'ils dépriment lorsqu'ils débouchent des enveloppes. C'est des enveloppes, on ne sait pas d'où ça vient, hein, des enveloppes secrètes. Ils disent que ça vient des intros, des extras. Puis c'est nos extras à nous, hein. Hey, continuez à travailler, vous autres, là, des impôts, on a ramassé. Là. Des impôts, des... Ah ouais, ah ouais, ah ouais, on va vous taxer, continuez. Oh, il n'y a pas de problème là-dessus. Moins de chômeurs, plus de travailleurs. T'aimes pas ça ton travail quand même. Toi, là, tu rapportes à l'État, on aime ça. Ouais, rapporte, comme un chien, t'sais. Et quand t'es petit, tu te fais dire, ah ouais, rapporte le journal à mon oncle, hein? Ah, merci. À la fin, ouais, rapporte de l'argent, rapporte à l'État, ouais, rapporte. On a un rapport là, avec la vie un peu étrange. Hein? C'est le cycle de la vie, le cycle économique. Oh. Économie. Ah, oh, on dirait que j'ai le gorgoton qui dit, ah, oh, monsieur. Mais citation du jour, monsieur le colonel. M'en va rester ici, mais tout en continuant. Je fais du surplace là, depuis 3 heures. Ça fait pas 3 heures que ça fait. Hein? Ça fait juste 17. Bon, vous comptez, vous, là. C'est long, hein? Quelle importance, le temps qu'il nous reste. La citation du jour, aujourd'hui, laissera la place à demain jusqu'à Vitam Popperman. Je l'avais déjà dévoilé un peu en parlant de Popperman tout à l'heure, hein? Je l'avais senti, celle-là, là. Pas la Popperman, mais la réplique qui... Comment vous dites ça, madame? Ben, moi, si je m'implique là-dedans, là, vous allez... Vous êtes vraiment super. Même si vous êtes sans plomb. Oui, ben là, on peut pas être trop plombé, madame... Faut que je sois à mon niveau. Moi, là, je sais que le public en attend davantage, mais je suis limité, moi, là. Je suis très limité. Limité par mes lunettes, limité par ma lecture, hein? Limité par ma bouche, mon vocabulaire qui est lui aussi extrêmement minimisé par un cerveau qui lui aussi est tout à fait rapetissé, mini. Tout est mini dans votre vie, minimum, minibus, pili, pop, pépus. Monsieur le Président, mais j'ai dit pas ça là-dedans, là. Il dit pas pépu, non, je ne paierai plus. C'est terminé pour l'éternité, je m'en irai. Enfin, je ne paierai plus. Comme l'oiseau, je m'envolerai. L'ange descendrai. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, arrête de faire ton Kurt Cobain, tout là. Et vous, cher résident, autant Jim Hendrix, cher résident, autant Jim Morrison, résident, ou comment il s'appelle, non, Winehouse, Stevie Winehouse. Winehouse, c'est-tu mayonnaise? 2 tranches de tomates, s'il vous plaît. La belle tranche. Non, celle-là, que lorsque tu coupes, elle jute. Ah! Hey, est-ce que ça vous arrive de manger la tomate à même le fruit comme une pomme? Ah! Ça m'est arrivé là, la semaine. Non, il y a 2 semaines. Je ne veux pas non plus vous darder avec ça. Là. Vous êtes resté chez vous, là. Bon, à jouer aux cartes avec M. Thibodeau. Ah! Hey, vous n'êtes pas échangé la prothèse dentaire parce qu'on cherche celui de M. Thibodeau depuis 3 semaines. Là, je suis parti en voyage, je reviens de voyage, M. Thibodeau, plus dedans. Mais il y en a dedans, puis il n'y a plus dedans, lui. Ah, oh, il n'arrête pas. Il danse, il chante, il radote. Ah, oh, c'est le fun d'être âge. Moi, là, j'ai hâte d'être rendu à cette... Quoique, cette émission-là ressemble à ça un peu, hein? Monsieur le Président, monsieur le patron, vous êtes échangé la... Oh, c'est trop petit. Ouais, mais lui, c'est en haut, vous, c'est en bas. C'est pour ça que... Ah, oh, mon Dieu. Les petits pois, c'était... Bon, c'est... Il y avait... Bon, c'est... Oui, on l'a retrouvé. Oui, Gaétan, veux-tu y enlever... Oui, mais lui en haut. Bon, madame, ça rentre bien, hein? C'est normal. C'était l'inverse depuis 3 semaines. Ah! Oh. On en trouve-tu des solutions, hein? Hey, on est comme un parti politique. On en trouve des solutions. Des fois, ça fait dur, là. Ça, comme disait ma grand-mère, sur le chapeau dur. Hey, toi, tu le fais dur sur le chapeau dur. Merci. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire faitement... À quoi bon faire Kimi? Oui, on l'appelle Kimi. C'était son ami. À quoi bon faire... Mais c'est plus maintenant, non. Ben, c'est ça. Quand tu traverses la rue puis tu regardes pas à droite, puis à gauche, puis hein, tu bon. Une voiture, ça viendra pas d'en haut. Il faut que tu regardes à gauche puis à droite, mais pas en haut. Encore moins en bas. Quoique c'est vrai qu'il y a des travailleurs souterrains, là, des mineurs, là, puis ils peuvent ouvrir le bol sans que tu le saches. Ben oui, tu sais, il y a une jonquille là, en dessous, là, une bille. On appelle ça une bille métallique. Là. Ah, les égouts. Voilà. Ils sont dans la nature. Perdus. Comme les loups. Ben oui. Le loup. À quoi bon faire... C'est un chien, ça. Ouais, mais c'est un chien loup. Un husky, husky, husky est beau. Husky est beau, ton cheval. C'est pas un cheval, c'est un chien. Ah, mon Dieu, un cheval, un chien. Tu peux grimper dessus aussi. Il est assez gros. Ouais, ouais, c'est un... Comment ils appellent? Un puma, non? Avec des taches. Une rousse. Non, une tache de rousse. Non, non, non, non, non. C'est une... Dalmatienne. Sienne. C'est la sienne. Non, non, va-t'en pas avec. C'est à elle. C'est une dalmatienne. C'est la sienne. C'est la dalmatienne, oui. Elle s'appelle, oui. Ah, je te dis. Viens-t'en, oui. Viens-t'en, oui. Elle s'en vient. Elle s'appelle, oui. Comment ça, comme le jeu, oui? Je connais pas ça. C'est quoi, oui, oui, oui? C'est pas... C'est dit oui, dit non? Non, c'est ni oui, ni non. Je comprends pas. C'est électronique. C'est pas un chien électronique, ça, là. Ça a quatre pattes, puis ça fait wouf, wouf, puis ça fait des petites crottes, des petits pipis. Comment ça, un câble USB? C'est quoi qu'il dit, là? À quoi bon faire cette émission? On n'a pas les chiens qu'on avait. On n'a pas les émissions de radio. C'est quoi, ça fait? On a, hein? On peut pas. On pourra jamais. Ah, je vous le dis que, hein? Plus clair que ça, là, c'est le noir. Ben, il fait noir aussi. De 1h à 23 du matin. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 27 juillet 2012, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, vous comprenez, là? Hein? C'est plus, hein? Bon. Vous avez mis votre décodeur à... Compréhension. C'est merveilleux. Restez là, là. Restez, bougez pas. Comme ça. Il y aura un sens jusqu'à... tout le temps. Jusqu'au moment où il n'y en aura plus. C'est comme ça, hein? Il y en a, il n'y en a plus. Il y en a, il n'y en a plus. Ah! Merveilleux. On continue. OK. Laissons sur la chaussée. Oui, oui. Faites-vous-en pas. Oui, madame. C'est comme ça que ça se passe. Dans le temps des... Non, c'est pas le temps des... Non, non, non. C'est des fraises, oui, dans le temps des fraises. Mm-hmm. On va vous en prendre un casseau. 6,5 le casseau, tu sais, qu'est-ce que vous avez mis dans le fond? Hein? C'est-tu un petit secret de chef, là? Il n'y a pas de secret là-dedans, il n'y a pas de chef. Bon, regarde-moi ça, l'opineur, là. C'est pas le jeudi, l'opineur, le chef, ça, hein? On est tout mêlé là. Vous avez mal à la tête, c'est normal. Trop de fraises, ça donne... C'est froid, hein? Le froid, c'est vers le haut. C'est la chaleur intense. Oh. Moi, chaud de même, là. C'est l'humidité qui fait chaud, qui fait la chaleur. Et c'est la chaleur qui fait l'au-delà. Et pour nous envelopper, là, c'est vrai, c'est quoi? C'est l'enfer, hein, l'au-delà. Et pour nous envelopper dans un homme national narratif, unissons-nous autour de l'artiste Sophie. Sophie, c'est tout d'abord une voix, et quelle voix, de celle sur laquelle un diamant s'est posé pour l'érailler avec classe. Sophie a été ici avec moi à un moment donné. L'improvisation, ouais, ça sent pas, hein? Ça coule de source. Ouais, c'est méchant de source. Alors, CKRL était là en 2011, juillet 2011. Nous vous proposons un voyage chargé, mais de la musique doit maintenant vous... La musique doit vous enchanter. Blanche sur une branche, une colombe chante au jardin. Triste un pigeon près d'elle, battant de l'aile, roucoule en vain. Et moi je pense à celle, si peu fidèle que mon cœur aime. Quand le printemps bourgeonne,

si je t'ai congelé. Fais-moi pas croire ce que je veux pas croire. Je suis né pour hiberner. Réveille-moi au mois de mai. Hey! Puis je m'aperçois que l'enfer est bleu. Ah! Comme si je te congelais. Fais-moi pas croire ce que je veux pas croire. Je suis né pour hiberner. Réveille-moi au mois de mai. Hey! Je veux m'enfuir. C'est juste que j'ai trouvé la marmotte intérieure qui vit au fond de moi. Et je la laisse s'épanouir en toute quiétude. Pas, mais on veut pas. Quand on peut pas, on veut pas. C'est un blocage. Ça, c'est comme une voiture, hein? Des vieilles voitures, ou même les plus récentes, là. Si tu fais passer un citron, ah mon Dieu, sur quoi? Sur du poisson? Non, non, votre voiture, est, si vous faites passer un citron, une Citroën, pas une Citroën, un citron, citron, ben oui, si le tronc était plus droit, ça tomberait pas. Mais non, c'est pas ce citron-là. On dit quand tu te fais avoir, tu t'achètes une bagnole, puis elle ne fonctionne pas très bien. Elle est neuve, exemple, ou elle est vieille, exemple. Arrête de t'exenter. Je m'exente pas. Je suis là. Mais je te donne des exemples. C'est ça une différence. C'est pas on s'exente pas, on présente des exemples. Allô, ça va bien? La tête, le cerveau, bon, allô? Oui, toi, c'est allô. C'est très rapide, hein? C'est rapide, mais dans une petite trottinette. Pour toi, c'est 300 000 à l'heure, là. Alors, des fois, lorsqu'on s'ajoute un véhicule, usagé ou neuf, moi, c'est 10 000 et moins, là, je me fais avoir. Ben oui, ben OK. Alors, il vous faut un démarreur exemplaire. Et ici, j'ai une phrase, un sac. Vous l'entendez, le sac? C'est un sac brun, papier brun. Papier brun, ouais, brun sur brun. Et j'ai des phrases de démarrage. Mais je sais que l'émission est bien montée, là. C'est une fusée Ariane. Mais ça m'a fait. Ariane, ça m'a fait. Non, j'ai de la moffée, excusez-moi. Et je ne recommencerai plus cette phrase douteuse venue d'ailleurs. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de Ariane. Pas le fil, là, mais Moffat. Moffat. OK, on l'a compris. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Alors, ma phrase de démarrage dans mon enveloppe, dans mon petit sac de démarrage, se lit comme suit. Alors, lis-le. Ben oui, mais comme je le suis, là, je suis... Non, je ne la ferai pas malade, mais à peine. On la comprend pas. C'est la première fois que j'écoute l'émission. Oh, mais c'est un petit, madame... Non, monsieur. Monsieur... Alors, vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. On est à Québec? Ben oui. Québec, la ville de Québec. Oui, mais hey, est-ce qu'on peut... Attendez, là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On dirait que mon oreille... C'est-tu normal, là? Tout est normal, attendez. Oh oui. 1, 2, 2. Ben oui. Tu sais, arrête de dire 1, 2, là. Et montre au peuple que tu comprends davantage tes chiffres. Ben oui. 98 663 et 19. Et 3 quarts. Bon, ça va très bien. Et le quart de mon improvisation, c'est celle-là. C'est celui-là. Un quart, celui-là. Voilà la mire. Tire! Oh! Pourquoi t'as pas dit « Voilà la myrtille » C'est parce que c'est pas la myrtille, là, c'est comme Guillaume Pell. Celui qui empêle, lui, il était fort ses nuages. Ah, lui, c'était pas la neige. Oh, c'était de la guillotine. Comme je disais tout à l'heure, c'était de la guimauve-telle. Ah ouais, mon Marc Favreau. Ah, c'était de la guimauve-telle. Et tel était son propos. À chaque soir, il faisait il se prenait pour un clown. Ah, les gens riaient, les enfants pleuraient. C'était un grand succès. Et puis, on lui disait, voilà la mire, tire! Là, l'autre avec sa pomme, mais attention! Ben oui, mais enlève-toi la tête, là. Mais j'en ai plus, ça vient d'exploser. Ben non, ça, c'est la citrouille. Eh non, c'est pas une citrouille, c'est sa tête. Il parle plus. Il bouge plus. C'est une flasque. Une plaque de pu. Il reste une pomme tombée par terre qui venait pas de l'arbre, mais de sa tête. Que s'est-il passé, Mme Tremblay? Ben moi, je dis que vous vous êtes trompé, hein? Je vous avais dit que votre fusil était très bien. Très, très bien aligné, mais c'est la mire. C'est l'objectif dans lequel vous vous êtes infiltré par l'œil pour atteindre sa pomme. Mais il y avait le 3/4 en bas de la déprime, puis on l'avait pas encore vérifié, mais on vient de s'en rendre compte qu'il était pas à la hauteur normale de l'homme qui vient de s'éteindre maintenant. Comment il s'appelle? Ah, oh, c'est pas important, c'est un cobaye. Ah bon, c'est un cobaye. Bon, pouvez-vous en mettre un autre? Ben là, il nous en reste deux. Ben puis, on dirait que le deuxième veut pas s'en venir. Ah ouais, amène-moi ça, toi, là. Ils veulent passer des soins médicaux et vérifier des petites pilules puis des affaires, des seringues, puis avoir 3 000-4 000 $. Là, on leur place, on leur donne 50 000, puis ils servent de comment t'appelles ça, donc de promontoire, promontoire. Et en haut, c'est une poire ou une pomme, n'importe quoi. Puis la poire, très souvent, c'est celle qui se fait descendre. Ici, c'est comme, hein? C'est comme le matador, puis le taureau. Puis les taureaux, elles s'ennuient pas le dimanche. Ah, mon Dieu, ben, ils s'amusent, ils courent après des sombreros. Pétons! C'est pour ça que le rouge, ils craignent le rouge. Tu sais pourquoi ils craignent le rouge? Ben, parce que c'est rouge à sang. Oh, t'es pas loin. T'es pas loin, mais t'es pas proche non plus. Hein? T'es dans le milieu. T'es comme pas Samir, là. L'autre, t'es pas dans l'exactitude, toi non plus. Parce que le rouge, c'est agressif, c'est agressant. Il y en a d'autres dans le rouge, ils trouvent que c'est sensuel. Ah, que c'est sensuel. Moi, là, j'ai la sensualité à 12. J'ai le corps chauffé à 13. Et j'ai le style à 18. Le style de quoi? Le style de la pose. Oh, mon Dieu! Hey, moi, j'ai fait la photo là avec un 65 mm coupé. Ah oui, oui, moi j'avais mis 3 douilles. Ah, c'est ça, 3 bouilles de toi. 3 bouilles, non, ben oui, j'ai frappé 3 bouilles avec mes 3 douilles. C'était des andouilles. Ah, ils bougeaient tout le temps. Je dis, ça risque d'être flou. C'est des nouveaux appareils photo, là. C'est avec la toile derrière, puis l'objectif devant, puis les petits oiseaux vont sortir, là. Fermez les yeux, ça prend 35 secondes avant que le flash termine. Là. C'est l'obturateur s'arrête. On comprend rien. Bon, OK, moi, vous relatez un peu l'histoire de la photographie. Un jour, en 1894, vint au monde un truc qui s'appelait pseudo-appareil photographique. Et là, parce que ça prenait quand même au début 24 heures avant que l'obturateur ferme au complet son clapet, hein? On mettait des natures mortes, des poires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos là où c'est des tables avec des bouteilles de vin, des fruits. Mais pas d'animaux, pas de personnes, pas rien en mouvement. Il fallait que ça soit stagnant. Et là, on prenait une photo. Ça prenait 24 heures avant que le schlick. Bon, tu comprends le schlick? Ouais, je comprends très bien. Et après ça, on a quand même progressé. Et ça prenait un peu moins de temps. Ça prenait 10 minutes à prendre la photo. À figer le personnage. Et là, 10 minutes, là, quand c'est des humains, parce que c'était des élites, soit des médecins, des avocats, des notaires, des grands de ce monde, là, des royalistes. Mais il n'y avait pas d'animateur de radio à l'époque. Ah, mon Dieu, non, qu'est-ce que tu dis là? Ben non, mais ils ne voulaient pas me prendre la photo. Mais on avait, je ne sais pas, le compte. Exemple, le compte le con. Le grand compte le con qui restait, on pourrait pas dire, à Québec. Hein? Le meilleur compte le con, c'est à Québec. Excuse-moi pour l'écho, mais j'ai dit à Jules Bert, mais pas trop d'écho, mais il dit, avec ou sans radio, avec la radio, s'il vous plaît. Et pour pas que les yeux scintillent, parce que quand ça prend 10 minutes avant que l'obturateur clappe, lorsque tu clignes des yeux, tu clignes quand même, quoi? Moi, c'est 30 clignements par minute, là. On demandait aux gens de fermer les yeux et de prendre la pause. Pendant 10 minutes, ils ne bougeaient pas. Et là, ça faisait clac pendant 10 minutes. C'est pour ça que lorsque vous regardez des photos anciennes, ben, les gens ont les yeux fermés. Puis après ça, il y a des artisans qui repeignaient les yeux ouverts. Mais c'était des faux yeux ouverts parce qu'ils étaient fermés à l'origine. Ah, que c'est beau l'histoire de la photo, madame. Ben, c'est pas ça que j'ai appris. Ben oui, mais votre professeur était totalement illettré, il avait jamais rien compris. Puis comme il fallait avoir un professeur, un maître en photographie, on a pris je veux rien contre là, les balayeurs de deuxième zone, là, mais on a pris le balayeur de troisième zone parce que même le deuxième voulait pas. Parce qu'il avait peur de se faire tirer des tomates. Puis il se dit, moi, si on mentir, je vais les manger, j'adore tellement ça, je l'ai dit tout à l'heure, blablabla, blablabla. Bon. Alors voilà la misère. Voilà lorsque la mire tire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il y a eu comme un silence d'agneau. Ben oui, mais les... Non, c'est les oiseaux. OK, qu'est-ce qu'il fallait dire? Ben, les oiseaux se cachent pour mourir. Puis les tirs nous tuent. Là, je sens des gens perplexes. Attendez, là, avant de mettre la musique, là, ça allège les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est arrêté? Je vais vous le dire. C'est parce que j'ai fait un signe à la jeune fille qui est derrière la console pour qu'elle parte la chanson. Mais là, elle me regardait tout le temps, puis elle riait, la petite, la douce. Puis je la paye, là, hein? Croyez-vous que je vais lui donner une pointe de pizza après l'émission? Pas du tout! Maintenant, on va voir. Ça peut. On peut tout effacer maintenant, là, OK? Alexandra, c'est à toi. Vas-y. À trois. Si tu l'as à trois, une pointe de pizza après l'émission. Sinon, pas de pointe de pizza. Ça joue dur, hein? L'extra champignon, là, ce sera pour moi. Quoique j'aime pas ça, les champignons, mais juste pour toi, là, je vais les enlever, je vais les jeter. Hein? Hey, ça, c'est de la cruauté mentale. Hein? Bon, allez, je vais les jeter devant toi, là, tu vas pleurer. Hey. Si t'es bonne, comme les champignons sont bons, je vais te laisser. Je vais te laisser et ce sera extra champignon, pas de pizza. Hein? OK. 1, 2, 3. Ah, oh, c'est bon. Je te laisse toute la pizza. Tous les champignons du monde. Ma meilleure. on la garde, on l'aime. Une époque, 70, les années 70. Woodstock. Ouais, la fin des années 70 avec. Jimi Hendrix. Ouais, oui, voilà, c'est Joe ça. Joe Cocker. Ouais, tous ces trucs-là. Les on va Doors. Dire 64, 65, les Beatles, même si c'est anglais. Ouais, mais anglais d'Angleterre. Ouais, mais voilà, ouais. Mais avec les Who, machin, etc. Led Zepp. Ouais. Mais les Beatles, comment ils vont inventer. Et puis après, tout le côté ricain, on va dire plus fin des années 60, ouais. Avec les Crosby, Stills & Nash, les Neil Young, Harvest, et tout ça. Quoi. Ouais. Voilà. Si, c'est merveilleux. Si tu étais un mot. Un mot

s'appelle Tony. On se porte mieux quand on ne sait rien. Pas à pas, moi je découvre et je ne comprends toujours rien. Il existe tant et tant de gens savants, d'intelligents, de généreux, mais ils n'ont pas envie du pouvoir. Lorsqu'ils s'y efforcent, ils sont assassinés. Et je n'en reviens pas, et je ne m'y fais pas. Je suis rétrograde, j'ai le tournis. Je suis rétrograde, j'ai le Tony, j'ai le Tony. Jazzote, t'entends? Ah, comme il saxote, il est camé à zéro, Coco and Co. Au piano, celui qui pianote comme lui, c'est la Coco, Coco and Co. Basse celui qui croque-note, c'est l'éther, lui qui lui botte, t'as pas vu, il est KO, Coco and Co. Celui-là qui tapote, c'est un crack, c'est un pote. Lui, c'est la fleur de pavot, Coco and Co. Du Blue Note, mais lui, ça serait plutôt la Marie-Juana. Là, ici, maintenant, non, mais Mme Thibodeau se demandait si la musique était plus intéressante que la narration. Je lui dis que si vous apprivoisez le tout, ce sera avec uniformité sans la société. Qu'est-ce que tu voulais dire par sans société? Non, je voulais rien dire. Non, mais je me dis que si les impros ne vous plaisent pas, au moins la musique va vous... On comprend absolument pas ce que tu veux évacuer comme propos. Je ne veux pas évacuer. Je ne suis pas un évacuateur maros, sans carrosse. Je ne suis qu'une carrosserie rouillée à la recherche de son identité. Et comme la majorité des entités, ce n'est pas ici que je me révélerai, puisque sur mon île de Ré, j'ai peut-être trop exagéré en voulant faire des signes. Et courir sur scène en faisant la mort du quoi? Du qui? De l'archiduchesse? Non, du signe. La mort du signe. Ah! C'est pas craque ma boule, mais non, c'est le truc pour Noël, là. Les boules se cachent pour moi. Non, on l'a fait, ça. Un petit peu, les petits-enfants, là. Les petits-enfants, jouer avec le signe. La mort du signe. La mort du signe. Mais voyons donc. C'est monde. Madame, avec les soldats, là. Les soldats Lebrun. Mon amour, je te cherche pour la vie, et si tu n'es pas, je te dévris. À quoi bon de venir pour la vie? On l'a fait la semaine dernière, c'est ça, les gens ont applaudi. Et ils veulent pas en savoir. Non. Est-ce que c'est l'enregistrement du 2 novembre 2012? Non. Mais non, parce que le 2 novembre 2012 n'est pas encore passé. Mais ici, à Errance canadienne, c'est déjà du décomposé, puisqu'on l'a enregistré en quoi? Le 2 mai 64, avec des amplis Moffat. Là, la Moffat, excuse-moi. Je t'aime, Moffat. Je t'embrasse partouze. En masse partouze. Non, c'est quoi ça? En prospectum? En mastectum? L'homme. Là, ici, maintenant, que t'homme, le manhomme. Tiketom, tiketom, tikitoun. Tiketom, tiketom, abedigoun. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Chablikovski. Ouvrons-lui un petit coin de bord, le peuple se... Excusez-moi. Je ne me reconnais pas. Quoique, dans le miroir, comme disait Alain Bachung, je ne me remets... Qu'est-ce qu'il dit là-dessus, lui? Je ne me reconnais plus sur les journaux. C'est quoi? Non, c'est la chanson « Je ne me reconnais même plus dans les journaux ». C'est Toulouse sur la ligne Nanche. Oh mon Dieu! Là, ici, maintenant, les gens comprendront pas. Même Alain Bachung, c'est qui ça? Alain Bachung. Ah non. Va éternuer ailleurs. Non, j'ai pas dit à Tchoum, j'ai dit Alain Bachung. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Laissez faire. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Endormez-vous. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et là, je suis en train de lire bloc 2, parce que ça, c'est une autre histoire. On n'est pas rendu là. On ne sait même pas si on va s'y rendre. La phrase, c'est « On envoyait toujours nettoyer la merde des pigeons. Hein? » Ah oui, ben oui, je me rappelle. On nous envoyait toujours en... c'est quoi? Je me rappelle de quoi? C'est quoi? On nous envoyait toujours nettoyer la merde des pigeons. Ben oui. Ben on se disait aussi « nettoyeur ». Parce qu'on avait déjà travaillé à Londres. Et à Londres, parce que c'est Londres, c'est toujours l'ombre. Hein? C'est de la pluie, c'est... Oh. Le temps est, malgré tout, sombre, mais les gens sont très, très lumineux. Je pense que c'est pour le combattre. Hein? C'est le yin et le yang. Le temps grogne, mais les gens sont... Pouf! On a de la reine de la soie, on a de la reine partout. Hey, moi, je serais pas heureux. Ah! Hey, le Québec, oh, encore aujourd'hui, on va arrêter les cours parce qu'il faut dire les affaires. Là. Encore aujourd'hui, au Québec, on est attaché à la reine. On y tient la couronne. On y voit le visage sur nos billets. Ah, c'est hey, Gaétan, qu'est-ce qu'on fait? Hey, on va plier nos 20 $, oui. On va plier nos 20 $, oui. Et on va replier nos 20 $. Hey, ça fait 60. Ça fait 60 $. Merci, au revoir. Hey, qu'est-ce que t'as fait pour 60 $? J'ai plié les $. Ben oui, 60$ pour plier 2,20. 3 vient bien. Oui, c'est ça. Allez-y, vous là. Hey, ben regardons. Un Bouddha, ça coûte... Vous êtes vraiment super. Merci. Même si vous êtes sans plomb. Écoutez, le plomb dans la tête, ça vient avec l'âge. Quoique, tu peux être con toute ta vie. Mais normalement, il y a de la compréhension, il y a de la connaissance, il y a de la culture qui tente de pénétrer si vous n'êtes pas givré ou cloisonné ou enfermé dans votre bulle en cellophane précaire. Et là, on nommera pas de nom parce qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Puis j'ai jamais été politicien, donc les noms, je m'en rappelle pas, je m'en rappelle plus, je suis perdu dans une atmosphère tout à fait étrange et singulier que l'émission sur laquelle la fréquence s'est arrêtée sous votre doigt, digitalisée par un hockey non contrôlé. Ah mon, hey, c'est beau ça! Oui, mais je peux pas le répéter parce que c'est l'unicité, c'est un texte là, de Beau de la l'air et puis ça a bien l'air que tout ça a brûlé. Quoi, le texte? Ah, mon papier, puis les mots. Les mots dits sont toujours exagérés et jamais redits. Oh! Quoi que ça se répète souvent à cette émission-là? Jamais. Ça se répète tout le temps? C'est... Jamais. Ça, jamais. Ah non! Trouvez où la répétition a lieu et je vous le soulignerai. Mais depuis 2h30 là, que ça joue. Ça joue pas depuis 2h30, voyons donc, ça fait 1h16. Il y a quoi? 1h16. Mais voyons donc, toi. Où j'étais pendant tout ce temps-là? Ben, t'étais perdu dans un horizon lointain. Oh, merci, monsieur. Mais c'est un peu, là. Monsieur, il y a une petite musique très belle, là, mais les pigeons, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, lorsque ça tombe sur des voitures, qu'est-ce que ça fait? Oh, ça fait des roucoulements. Non, non, pas les pigeons, mais leur détritus. Oh! Ben, moi, ça me rend la bouche cousus. Oh, plus elle est cousus, moins elle s'apprête à s'ouvrir. Hey, ça, c'est comme des coups de... Oui, exactement. Mais là, ces petits oiseaux-là, là, qui ont l'air inoffensifs, et qui font ça. C'est un bruit bizarre, hein, l'hirondelle. C'est pas une hirondelle, c'est des pigeons. Ben, c'est la même affaire. C'est comme des tourterelles. C'est comme le poisson volant non identifié. C'est tout à fait épeurant, ces choses-là. Les animaux, là, c'est comme des humains. Mais autrement. Hey, repose-toi, mon champion. Hey, merci. Hey, est-ce que c'est l'heure? Non, c'est pas l'heure. Ça sera jamais l'heure parce que ton nettoyage ne paraît pas. J'ai une bagnole 1943 qui a appartenu à M. Harrison Ford. Est-ce qu'il était né? Oui, il était né, mais il avait 3 ans. Et puis? Ben, il avait reçu un cadeau. Hein? Puis son père lui a dit, Harrison! Harrison! Surtout, là, ne sois pas Star Trek. Il n'était pas Star Trek. Non, il n'était pas. Ne sois pas Jedi. Oh, oui, c'est vrai, c'est Jedi. C'est quoi, c'est Jedi? C'est. Hey, j'aime pas ça, les films de science-fiction. Je connais absolument rien là-dedans. Jedi. Star Wars! Eh, monsieur, ça vient d'où? C'est hindou. Ah, bon. Ne viens pas. Ne viens pas prendre ton véhicule à l'âge de 3 ans, là. Mais si tu deviens un Star Wars, tu pourras manipuler cet objet de luxe. À l'époque, c'était de luxe. Là. Il y avait 4 roues, une en arrière. Il y avait la manivelle pour la partir. Qui la roue? Non, la voiture. Ah non, mais c'est en fait, quand la voiture partait, les 4 roues suivaient. Hey, c'est révolutionnaire, ça, là, ces petites affaires-là. Là. Ça, c'était en métal précieux. Aujourd'hui, c'est en carton, en plastique, en carton pâte. Il y a un accident, c'est fini, ta voiture n'est plus réutilisable. Et dans ce temps-là, là, tu faisais 4-5 accidents. Tu te faisais frapper par une voiture. Tu te faisais lapider par une fusée. Il y avait une explosion en toute ta bagnole. Puis l'avion crachait sur ton véhicule. Il fonctionnait toujours. Hey, en 2012, là, un gamin te tire une pomme sur ta bagnole. Tout est fini. Et là, tu dis, hey, c'est une perte totale. J'ai travaillé 5 ans de ma vie pour avoir un véhicule qui me ressemblait. Ça vient de terminer là. Et là, les pleurs, puis là, si on veut se retrouver à un véhicule de cette époque-là, bien, il faut payer des surtaxes. C'est polluant. Surtout, ça fait pas vendre de voitures, surtout ça, sans doute. Hein? Ça fait pas. Non, mais c'est très polluant. Écoute, moi, j'avais un 12 chevaux dans l'immotricité. Les roues partaient où ils voulaient, puis moi, je montais si je voulais descendre. Puis, c'était épeurant, là. Je mettais la clé là-dedans, je savais même pas où je me dirigeais. Il n'y avait pas de GMS, de labeless. Il n'y avait pas de laisse là-dedans. Là. Il y avait juste un go, puis tu partais. Le René Lévesque n'était pas là à l'époque parce que là, ça n'aurait jamais été go, mais aller! Mais aller où? Ben, aller vers le Québec, et puis quand on va vers le Québec, on va vers la douce résolution de nos problèmes. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Ben, on s'en va vers des sentiers ensoleillés. Les nuages sont en arrière et le beau temps est en avant. Drôle de vie, jour difficile, je suis à tomber par terre. Plus de nerfs, je veux tout lancer en l'air, tout abandonner. Mes projets, même les plus chers, me sont nuls à mourir. Plus rien ne sait me retenir, ne sait me satisfaire. Je ne me reconnais plus qu'en le monstre ordinaire. Et quand je roule à vélo, la tête dans les étoiles et dans le vide, le vent est doux, j'hallucine. Je roule à vélo, la nuit est claire, le chemin désert. Intouchable et immortel. Le monde tourne sur mes roues, je pédale sous les chaudrons, je file sous les constellations sans faire trop attention. Et si ça se trouve, je ne rêve à rien. Et si ça se trouve, pire, je ne rêve à personne. Voilà pour les êtres, voilà pour les choses. Et quand je roule à vélo, la tête dans les étoiles et dans le vide, le vent est doux. Claire.

vous êtes vraiment super. Même si vous êtes sans plomb. Quelle belle émission, hein? Avec ou sans plomb, c'est merveilleux. Dans la tête, il n'y en a pas trop, là. C'est comme les petits bonhommes, les petits soldats de plomb. Hein? J'en ai jamais eu, moi. Moi, c'était des blocs pas légaux, ils étaient illégaux. Oh mon Dieu, j'ai joué longtemps avec des blocs, oui, avec des blocs illégaux. Là, tu mêlais tout ça? Ben, rarement je mêle, moi, mon cher monsieur. Rarement je suis dans ce genre de compréhension qui se court-circuite. Qui se relise jamais. Ah, ça se relie jamais là-dedans. Il n'y a pas de gauche, de droite, de juxtaposition, de réflexion qui amène une autre lumière. Ah, non. Moi, c'est unidirectionnel, c'est sans attente et puis sans aucune pitié. Oh, on m'appelle, c'est vrai. On dit lorsque je m'élance que je suis comme un bulldozer. Oui, je marche pas sur des... Ah non, je suis pas une ballerine. Oh, c'est... Ballerine, sœur chagrine, tu sais, je te ressemble un peu, mauvaise mine. Ah, moi, j'ai la mine que je déploie, et puis il n'y en a pas une autre. Et puis l'autre... Vous êtes vraiment super. Merci. Même si vous êtes sans plomb. Oui, sans plomb, comme je le disais, dans la tête, mais peut-être qu'ailleurs, je sais pas. Je suis lourd, hein, puisque je ne m'élève pas au niveau intellectuel. Alors, cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe, mais c'est un mot. C'est un mot lumineux. C'est un mot qu'on aimerait bien garder jusqu'à la fin de nos jours. Quoique à la fin, à la toute fin, on voit ce mot. À la naissance et à la mort, aux antipodes. Et à travers tout ça, il y a le faisceau qui explore l'existence. Et qu'est-ce que c'est le mot? Qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment beau. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très beau. Tatapatatatoulapalapilapapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapalapal naissance et la mort qui est une autre lumière. Et à travers tout cela, c'est un faisceau lumineux. Oh mon Dieu! C'est une connaissance universelle. Quoique pas pour tout le monde. À travers ce cylindre, c'est brumeux pour plusieurs. C'est zigzagant. C'est un coefficient. Quoi? Un coefficient. Oh, c'est ça. Coefficient. Elle t'a trouvé ça tout seul? Ben, j'ai demandé à Georgette. Elle m'a brandi un carton qui était co. Puis elle a tourné. C'était déficient. C'est moi, ça, déficient. Co-déficient. On les reconnaît, les co-déficients. Il y a cette émission radio, mais il y en a beaucoup plus à la télévision, là. Hey, ça serait bien de jumeler l'audio à la vidéo. Ouais, mais ça se fait, voyons donc, sur YouTube. Oh, mon Dieu, la lumière cybernétique. Oui. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'on nous regarde, on peut nous entendre, et lorsque l'on nous entend, on peut nous regarder. Uniquement errance rénaldienne. Lorsque j'ai commencé, on va faire ce cours, là. Mais on n'a pas le... Non, on va le prendre, on va le prendre. Lorsque j'ai fait mon émission, à l'époque, il y a 7-8 ans, il y a des gens qui me disaient « Hey, t'es pas tout seul pour faire ça! » Ben, je leur disais « Oui, oui, oui, oui, oui. Il y a d'autres, il y a personne d'autre que moi. » Et c'est des personnages qui viennent contre-croiser cet univers. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire Gulliver, mais Gulliver, c'est pas mon univers. Bon, OK. Et pour prouver tout ça, je me suis dit, on va filmer. C'est pas parce que je suis imbu ou que je veux me montrer. Au contraire, hein, il faut cacher tout ça. Là. C'est gênant quelquefois, là, comme actuellement. Oh, je suis très, très intimidé par la caméra. Ouais. Je me cache, là, je suis en dessous de la table. Je m'amuse avec les rats. Les quoi? Les ratons draveurs. Les gens qui attendent 3h du matin pour sortir à quatre pattes. Comme disait Alain Bachung. À quatre pattes, c'est pattes. C'est pas Alain Bachung, non. Non, ça c'est Rénal Marché. Rénal Marché le dit souvent à la fin de son émission. Alors on se ramarche et on s'en va. C'est bon, ça. Hein? On se ramarche et on s'en va. Alors, à bien s'étendre, on s'écoute pas. My mom gave me a nickel to buy a pickle. Well, I didn't buy a pickle. I bought some chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. Well, I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. My aunt gave me a quarter for soda water. Well, I didn't buy the water. I bought some chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. Well, I'm crazy over chewing gum. What can I do? I chew all day away, it seems. I'm even blowing bubbles in my dreams. My pop gave me a dollar to buy a collar. Well, you should have heard him holler when I bought chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. Pop gave me a dollar to buy a collar. Well, you should have heard him holler when I bought chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, si tu étais un autre individu. Ah, le truc comme ça, le délire où tu dis, non, tiens, voilà, pour une heure, t'es quelqu'un d'autre. Mick Jagger, je sais pas. Ouais. Ben, Springsteen. Ah oui? Ah ouais, mais un concert, quoi, pas juste pour être chez lui, le jour où il se lève pendant son petit déjeuner, ça, je m'en fous. Je suis pas fan à ce moment-là de savoir la couleur de son slip quand il se lève ou s'il dort nu ou pas. Non, c'est juste savoir ce que ça fait d'avoir... 2 heures de spectacle. D'être, ouais, 2 heures, même c'est 4 heures de spectacle, genre à Hyde Park, l'année dernière, où il y a 2 ans, devant 300 000 personnes, juste savoir ça, quoi. Ok. Voilà. et donc, tu voudrais bien peut-être un jour faire un tour avec Bruce Springsteen. On peut dans les être, plus grandes oui. folies, les plus grandes folies. Plus oui, Bruce... c'est ça. Non, mais, nous allons allumer un cierge de ce pas. Exactement. Et le laisser se consumer jusqu'à... Mais si tu as le choix entre Bruce Springsteen et Céline Dion, c'est Bruce Springsteen. Ah oui. Ah oui, ben moi aussi d'ailleurs. Je serais plus au spectacle mais que Bruce Springsteen. Mais c'est même pas un choix pour moi. Okay, non, c'est une évidence. La question ne se me pose même pas. C'est une évidence. J'ai rien contre la pauvre Céline. Elle est, la pauvre Céline, non. Elle est sûrement charmante d'ailleurs. Elle est tellement pauvre la riche. Voilà. Elle chante merveilleusement bien, mais ça me fait rien quand elle chante. Mais non, moi non plus. Bon, je devrais pas dire ça, c'est très prétentieux. Non, prétentieux. Non, on coupe pas au montage. Mais non, mais tu peux le laisser, je m'en fous. J'assume. Tu vas le laisser aussi, je dis ça tout le temps. Moi, j'assume ce que je dis. Mais

danse, fais mon unique agrément. Je chante, je ris, je danse, que chacun en fasse autant. Took a look at the sky, seen bright old stars shining. Something in the air keeps calling. Seen some fellows go by, and everyone's smiling. And I get deeper, peaceful. Tells me to look at the sky, seen bright sunshine rising. Gotta tell everyone how much we can share. The power of love just be overflowing. Then I woke up this morning, and pouring rain's falling. It was only a dream, and I wonder why we all seem to be blind to beauty. Elle, c'est quand même très, très propre de ce côté-là. Oui. Oui, oui. Alors, éventuellement, ce que tu aimerais... Est-ce que ton disque est disponible au Québec? Alors, il est disponible... Puisque, sur Internet, oui. Sur Internet, puisque sur le site, j'ai un joli site. Oui, alors tu peux donner l'adresse. C'est sofai.net, sofai.net. Et on a une jolie page dédiée au téléchargement, acheter des trucs. Et on le vend par Amazon, okay. Tout simplement. Okay. Donc, alors on peut l'avoir directement chez soi. Voilà, on peut le commander par Amazon ou le télécharger sur iTunes. Ok, si c'est alors plus simple. Okay. Voilà. Les gens qui préfèrent certaines pièces, ils les sélectionnent. Voilà, c'est l'un ou l'autre.